Les ruines de l'Orient ancien, la Crète, l'île de la Crète, avec ses côtés escarpés, rocheux et rougeâtres au milieu des eaux bleues de la Méditerranée, se dresse comme un monument silencieux d'un monde disparu. Il y a quelques millénaires, l'île était le cœur d'une culture exceptionnellement riche, les inscriptions minoennes sont sur le point d'être déchiffrées grâce à l'architecte anglais Michael Ventry qui en a trouvé la clé. L'histoire de cette civilisation se divise en trois parties, le Minoan ancien, le Minoan moyen et le Minoan récent, qui correspondent aux trois époques égyptiennes, ancien, moyen et nouvel empire. À noter que le Minoan moyen se subdivise en trois, la dernière de ces subdivisions, Minoan moyen 3, se situe entre le moyen et le nouvel empire d'Égypte, à l'époque des Hyksos en Égypte. Toutes les grandes époques de la Crète minoenne se sont terminées par des cataclysmes naturels. L'ouvrage imposant de Sir Arthur Evans, The Palace of Minoatnoso, fournit d'abondantes preuves, de nature physique, de l'agent destructeur qui a systématiquement mis fin aux trois périodes minoennes. Il parle d'une grande catastrophe vers la fin du Minoan moyen 2. Une grande destruction a frappé Knosso sur la côte nord de l'île, et Phaesto sur la côte sud. La Crète, écrasée par les éléments et débordée par les événements, est restée prostrée. Lorsque les survivants ou leurs descendants ont enfin entrepris l'œuvre de restauration, leur travail a de nouveau été anéanti par un renversement. Un demi-siècle à peine séparait les deux cataclysmes, le premier coïncidait avec la fin du Moyen Empire égyptien et l'Exode, le second a eu lieu une ou deux générations plus tard. Les phénomènes du Minoan moyen 3 montrent de façon concluante que le grand renversement du palais et de la ville environnante a une origine sismique. Dans toutes les parties du palais mises au jour, on relève les traces d'un prodigieux renversement, qui a enfoui une quantité considérable de gravats. À la fin de la période suivante, Minoan récent, la vie du palais de Knosso a été coupée court pour une raison qui n'a pas de rapport avec les signes de totale ruine caractéristiques du désastre précédent. S. Martinato, directeur du service archéologique grec, déclare cependant, « La catastrophe du Minoan récent a été générale et fatale dans toute la Crète. Il est certain qu'elle a été la plus terrible de toutes. Le palais de Knosso a été détruit. Ta même tragédie a frappé la totalité des grandes demeures. Des villes entières ont été anéanties. Même les grottes sacrées, comme celle d'Arkalokori, se sont effondrées. Une pluie de cendres volcaniques est tombée sur le Trémaë, et des vagues phénoménales venues du nord l'ont balayée. Cette catastrophe lui a porté un coup irréparable. La seule explication est une cause naturelle, cependant un tremblement de terre ordinaire ne suffit pas à expliquer un si grand désastre. Puis est venu le tour d'une destruction soudaine au Minoan récent 2, qui a interrompu toute activité. Il semble qu'à son approche certaines préparations ont été entreprises pour apaiser les dieux. On prenait vraisemblablement des dispositions en vue d'une cérémonie sacrée. Mais les préparatifs n'ont jamais pu être menés à bonne fin. La salle du trône avec des jarres à huile en albâtre est recouverte d'une épaisse couche de terre et de débris. La subite interruption des préparatifs en cours est si frappante qu'elle indique sans aucun doute une cause instantanée. C'était un autre de ces chocs redoutés qui avait maintes fois causé une interruption dans l'histoire du palais. Le tremblement de terre s'est accompagné d'un vaste incendie, qui a pris des proportions particulièrement désastreuses, attisé par un vent furieux qui soufflait alors. Évans situe au mois de mars la destruction finale de l'édifice. Cependant, le désastre n'a pas été de l'ampleur de celui qui avait rasé le bâtiment au Minoan moyen. Le palais de Knosso n'a jamais plus été reconstruit. Compte tenu de la topographie de Knosso et ses environs, nous pouvons dire qu'à une époque antérieure, la ville se trouvait à l'extrémité d'un port intérieur, lequel était relié par un canal à plus grand port, ouvert, et dont l'entrée se situait entre deux avancées vers le nord et la mer. Un terrible cataclysme avait élevé cette partie de l'île bien au-dessus du niveau qu'elle occupait lorsque la cité de Knosso y fut bâtie. L'étude archéologique de la Crète a révélé qu'elle a été le théâtre du déchaînement des forces de la nature. Comme la fin des principales périodes de cette civilisation a coïncidé avec la fin des époques historiques de l'Égypte, qui se sont elles aussi terminées par des catastrophes naturelles, il semble bien que ces bouleversements répétés n'aient pas été purement locaux. La Crète est parfaite pour étudier les effets de grandes catastrophes sur une civilisation ancienne. Elle n'a pas été envahie avant l'arrivée des Doriens, mais on ne peut faire l'erreur de confondre les effets d'un désastre naturel et les destructions dues à la main de l'homme. Au nord de la Crète, sur une petite île, Terra, aujourd'hui Santorin, se dresse un volcan qui n'est toujours pas éteint, son cratère a autrefois été soufflé par une formidable explosion, et a formé une immense caldeira. Cette éruption fut retracée en détail suite à une expédition germano-grecque. Elle a enfoui des villages sous la lave, la ponce et les cendres. Les vestiges culturels des terrées indiquèrent qu'elle s'était produite entre 1800 et 1500 avenue. J.C. c'est-à-dire vers la fin du Moyen Empire égyptien 440. Les matières éjectées se sont dispersées sur une si grande étendue, qu'un scientifique allemand suggéra récemment que la plaie des ténèbres d'Égypte était due à l'éruption de ce volcan, situé à 1000 km du delta du Nil. Du côté de l'Égypte, vers la fin du Moyen Empire, la structure rocheuse de ce pays a subi des déplacements, tout au moins locaux. Grâce aux mesures des Nilomètres ascendants datant de cette époque, Keller Lepsius remarqua qu'à l'endroit où les eaux du Nil sont canalisées dans la roche, le niveau maximum du fleuve s'est en moyenne élevé de 6,70 m par rapport à aujourd'hui. Nous avons abouti à ce résultat remarquable sur 4000 ans 441. Cette différence dans la crue du Nil ne peut être attribuée qu'à une variation du volume des eaux, ou à un changement dans la structure rocheuse de l'Égypte. Cela dit, si le volume du fleuve avait été plus important dans le passé, beaucoup d'habitations et de temples auraient régulièrement été inondés. J'évite sciemment toute référence à la littérature égyptienne concernant les villes englouties, avalées par le sol, mais il faut pourtant mentionner les traces de feu, énigmatiques et plutôt régulières dans les tombes de l'Ancien et du Moyen Empire. Elles suggèrent qu'une substance volatile y a pénétré et s'est enflammée dans un sous-sol surchauffé. À la fin du XVIIIe siècle déjà, bien avant l'archéologie moderne, le Chevalier avait émis l'hypothèse qu'Issarli était le site de la Troie homérique, ou Lyon d'après le latin. Personne ne tint compte de sa suggestion. En 1873, Henri Schliemann, qui n'était même pas archéologue, découvrit les vestiges de la forteresse chantée dans Iliade. Après des débuts difficiles en tant qu'apprenti épicier, émousse à bord d'un navire qui fait naufrage, il trouve un emploi de comptable en Hollande. Ayant amassé une véritable fortune, il s'apprête à réaliser le rêve de sa vie, retrouver la fameuse Troie. De nombreux voyages l'emmènent en Russie, en Californie et en Extrême-Orient, puis il se fixe en Grèce et publie une étude dans laquelle il prédit le lieu de sa future découverte. On se moque de lui, mais peu après, il n'en réussit pas moins à identifier la cité légendaire avec le village turc d'Issarli, situé à l'extrémité ouest de l'Asie mineure, à quelques kilomètres des Dardanelles. La ville avait été construite et détruite 6 ou 7 fois. Schliemann considéra que la ville riche trouvée au deuxième niveau, en partant du bas, était bien la Troie du roi Priam, qui avait été assiégée et avait succombé aux guerriers grecs, les Achéens, commandés par Agamemnon. Plus tard, certains scientifiques la jugèrent beaucoup plus ancienne, et déclarèrent que la ville du sixième niveau, en partant du bas, était celle de Priam et d'Homère. Quoi qu'il en soit, la deuxième a cessé d'exister, anéantie par un paroxysme de la nature, au moment où l'ancien empire égyptien prenait fin. Un groupe d'archéologues de l'université de Cincinnati, sous la direction de Carblejean, établit que la destruction de la cité assiégée par Agamemnon était due à un tremblement de terre. Claude Chaffé, qui avait conduit les premières fouilles du Gari, aujourd'hui Rachanra en Syrie, se rendit auprès de Blejean pour confronter leurs découvertes respectives, et acquit la certitude que les séismes et incendies, dont il avait relevé les traces à Ugari, et ceux qui avaient ravagé Troie, s'étaient produits simultanément, à 1000 km de distance. Il compara ensuite les découvertes des deux sites avec les signes de tremblement de terre dans les nombreuses localités de cet Orient ancien. Un travail minutieux lui permit de conclure que, plus d'une fois au cours des temps historiques, d'extraordinaires secousses telluriques avaient ébranlé toute cette région exceptionnellement vaste comparée aux zones les plus grandes affectées de nos jours par les séismes. Il écrit, « Pour nous, il n'y a pas le moindre doute que l'incendie de Troie 2 correspond à la catastrophe qui a mis fin aux installations de phages du bronze ancien de l'Alassahuyu, niveau 3, d'Alissar, là, de Tars, 3, de Tepeissar, couche entre 12 et 13 mètres de profondeur. Et à la catastrophe qui a livré aux flammes l'ancienne Ugari, 2, la cité de Bibloflorissa en Souef ancien empire, les cités contemporaines de Palestine, et qui a été l'une des causes qui a mis fin à F ancien empire d'Égypte. Après une période de déclin et de ruines, la plupart de ces villes ont retrouvé un nouvel éclat. La cité d'après, 3-3, a de nouveau été subitement détruite, c'était un épouvantable incendie, digne d'un film à grand spectacle. Dorpfeld, archéologue réputé et collaborateur de Schliemann, auquel il survécut jusqu'en 1940, s'étonna que cette ville ait pu laisser à la suite de ce sinistre, une épaisseur de 16 mètres de cendres. Chaffé constata que le même phénomène de destruction s'est étendu sur toute l'Asie mineure et bien au-delà. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, les travaux de reconstruction d'une nouvelle ville, 3-4, furent stoppés net par un nouveau rebondissement tout aussi inattendu. Une fois de plus, le sol fut recouvert d'une épaisse couche de cendres et de matière carbonisée, indiquant clairement que les édifices s'étaient écroulés sous un incendie. On suivit 3-5, puis 3-6 que l'on tient généralement pour la capitale du roi Priam. Elle a été anéantie par un séisme, une force de la nature bien plus puissante que l'armée d'Agamemnon. Le sol a été violemment secoué, comme le précise le scénario de l'Iliade. Les murs ont bougé de place et sont tombés à plat. Là encore, Chaffé fut impressionné par les signes d'un bouleversement simultané dans tous les sites mis au jour d'Asie mineure, ou plus généralement de l'Orient ancien. Il se consacra alors à recueillir tout le matériel archéologique des 3e et 2e millénaires à venir. J'y sais afin de les comparer et d'établir le synchronisme des interruptions soudaines d'âge culturel dans toute la région. Les ruines du Proche-Orient actuel. Les fouilles pratiquées dans tous les pays de l'Orient ancien fournissent les preuves de destruction extraordinaire que seule la nature a pu infliger. L'imposant ouvrage de Claude Chaffée distingue six grands bouleversements, avec des secousses sismiques et des incendies d'une telle amplitude, qu'ils ont ravagé simultanément l'Asie mineure, la Mésopotamie, le Caucase, le plateau iranien, la Syrie, la Palestine, Chypre et l'Égypte. Les plus violents ont mis un point final à deux grandes époques dans l'histoire des civilisations devant l'ampleur de ces destructions qui n'ont d'équivalence, ni dans les annales modernes, ni dans les concepts actuels de la sismologie. Chaffée acquit la certitude que ces régions, avec leurs sites anciens sur lesquels il avait minutieusement enquêté, représentaient seulement une partie des terres touchées. La plus ancienne catastrophe, dont il a pu retrouver les vestiges, a eu lieu entre 2400 et 2300 avenue. J.C., elle a semé la ruine depuis Troie jusqu'à la vallée du Nil, et a entraîné la fin de l'âge du bronze ancien. Elle a dévasté des villes anatoliennes comme Alassahuyu, Tars et Alissar, des villes syriennes comme Ugari, Byblo, Shagar Bazar, Telbra, Tepe Gavra, des villes palestiniennes comme Desan et bien d'autres cités persées caucasiennes. Les civilisations de Mésopotamie et de Chypre ont été détruites, et l'ancien empire d'Égypte a vu la fin d'une grande et splendide époque. Les murs de toutes les villes ont été jetés hors de leur fondation, et la population a considérablement diminué. C'était une catastrophe générale. Il ne fait aucun doute que les migrations ethniques résultaient de la manifestation de la nature. Mais les causes initiales et réelles reposent probablement dans quelques cataclysmes sur lesquels l'homme n'avait aucun contrôle. Toutes les fouilles de sites attestent de la soudaineté et de la simultanéité du ravage. Les descendants de ceux qui avaient émigré et survécu à cet enfer ont édifié en quelques siècles de nouvelles civilisations, c'était à l'âge du bronze moyen. En Égypte, c'était l'époque du Moyen Empire, brève mais glorieuse résurrection de la civilisation et de la puissance égyptienne. La littérature a atteint sa perfection, le pouvoir politique son apogée. Est alors survenu un choc qui, en un jour, a fait de ce pays une ruine, a réduit son art en miettes, sa population à des monceaux de cadavres. La totalité de l'Orient ancien a été assommée. La nature ignorant les frontières, a fait trembler toute la région, et l'a recouverte de cendres. Cette brillante période du bronze moyen, qui a vu fleurir Utrémaerté du Moyen Empire d'Égypte, ainsi que la raffinée et l'industrie du minot en moyenne en Crète, et au cours de laquelle les grands centres commerçants, comme Ugari ont connu une prospérité remarquable, s'est soudainement terminée. Et intense commerce international, qui avait marqué durant et fâche du bronze moyen, la Méditerranée orientale, et la plupart des pays du croissant fertile, s'est brusquement arrêté dans tout ce vaste territoire. Sur tous les sites d'Asie de l'Ouest examinés jusqu'ici, un hiatus ou une période d'extrême pauvreté, a brisé l'enchaînement chronologique des strates. Dans la plupart des pays, la population a notablement diminué, dans d'autres, le nomadisme a remplacé la vie sédentaire. En Asie mineure, l'âge du bronze moyen s'est terminé brusquement, et la rupture avec l'âge suivant, est manifeste sur tous les sites examinés strate par strate. Troie, Bogascoy, Tars, Alissar ont un point commun, leur éclat et la vie disparaissent en même temps que le bronze moyen. À Tars, notamment, on a découvert entre le niveau de la brillante civilisation du bronze moyen et celui du bronze récent, une couche de terre épaisse d'1,50 m sans aucune habitation, un hiatus. À Alassahuyu, la période transitoire entre le bronze moyen et le bronze récent est marquée par des bouleversements et des destructions. Il en est de même pour toutes les fouilles en Asie mineure. Sur la côte syrienne et à l'intérieur, nous observons une rupture stratigraphique et chronologique entre les couches du bronze moyen et récent au Kalaheurkous, au Tel Simirian, à Byblo, au Ijban dans les nécropoles de Kafedjara, Kursier, Majdalouna. Toutes les nécropoles de la vallée de l'Oronte ont cessé d'être utilisées. Le grand site de Hama a cessé d'être habité, tandis que s'effondrait le Moyen Empire d'Égypte. On remarque aussi à Rachanra, un grand vide entre le bronze moyen et récent. En Palestine, Beth Mishrim n'a plus été occupée pendant quelques siècles après la chute du Moyen Empire égyptien. À Bezan, lors des fouilles entre les couches du bronze moyen et du récent, il fallut traverser une accumulation de débris épaisse d'1 mètre qui indique une interruption de la séquence chronologique. Bliss s'était trouvé devant un cas analogue à Tel Elzi. Les séismes ont également ravagé Jéricho, Megiddo, Beth Shemesh, Lachish, Ascalon, Tel Tahana. Les responsables des fouilles de Jéricho notèrent des destructions à maintes reprises, ces remparts sont tombés lors d'un tremblement de terre peu, après la fin du Moyen Empire. Des chocs violents ont dévasté la Mésopotamie. La frontière russo-persane montre aussi une discontinuité entre le bronze moyen et le récent. Au Caucase, c'est aussi une absence totale de vestiges archéologiques pour cet intervalle. Comme sur la côte de Rachanra, une marée d'une violence inouïe a déferlé sur le pays, semant d'autres horreurs dans son sillage. On constate aussi que la fin du Moyen Empire a été marquée par des éruptions volcaniques et des coulées de lave. Sur la péninsule du Sinaï, à une date ancienne mais non connue, une coulée de lave surgit du sol fissuré. Le Sinaï n'est pas un volcan, a complètement brûlé les forêts et n'a laissé que le désert. en Palestine une autre éruption de lava, a comblé la vallée de Jézréel. Au début du XXe siècle, un vase phénicien fut trouvé dans cette lave. Or les géologues avaient affirmé que l'activité volcanique avait cessé en Palestine dès les temps préhistoriques. Affirmation des géologues devient très douteuse, écrivit alors un autre auteur, ce vase atteste l'activité volcanique pendant les temps historiques. Le verdict des archéologues précise que cet objet date du XVe siècle avant notre ère. Par conséquent, l'éruption a dû se produire au milieu du deuxième millénaire. Selon Chaeffé, l'Égypte a été conquise par les Elixos venus de l'Est, immédiatement après avoir succombé à un cataclysme causé par les éléments naturels. Les agents destructeurs n'étaient ni des envahisseurs ni des hordes nomades, mais des tremblements de terre et des incendies. Et cela vaut aussi pour les autres pays. Notre enquête a démontré que ces crises répétées, qui ont ouvert et fermé les principales périodes des deuxième et trois millénaires, n'ont pas été provoquées par l'homme. Loin de là, car comparé à ces crises générales et à leurs effets profonds, les exploits des conquérants paraissent bien modestes. Chaeffé a également trouvé des signes indiquant que le climat avait changé suite à ces catastrophes. Au même moment dans le Caucase, et dans certaines régions d'Europe, des changements de climat semblent avoir apporté des modifications dans l'occupation et l'économie des pays. La catastrophe qui m'a servi de point de départ pour Monde en Collision et Aginkao a laissé des empreintes archéologiques dans les pays marqués par la Bible et les récits homériques, des Dardanelles jusqu'à la barrière caucasienne, et en passant par les montagnes perses jusqu'aux cataractes du Nil. Le bouleversement le plus dévastateur se situe à la fin du Moyen Empire égyptien, comme je l'avance dans ces deux ouvrages. Quelle a été la nature des perturbations qui ont mis fin à l'âge du bronze ancien, puis à celui du bronze moyen, et qui ont complètement changé l'aspect de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique? Les incendies ont fait rage, la lave a coulé, les secousses se sont propagées à travers les continents, le climat a subi des changements radicaux. Chaeffé s'étonne de leur amplitude, amplitude jamais observée dans les temps modernes. Il se demande si ce n'est pas parce que les couches géologiques mal réparties se sont peu à peu équilibrées, que les tremblements de terre anciens ont été bien plus violents et ont touché une plus grande superficie. Mais cette explication ne nous convainc pas. 3.0 en représente à peine la millionième partie de l'âge de notre planète, la géologie lui donne 3 milliards d'années. Elle aurait eu largement le temps de réajuster ses couches au cours des temps géologiques. En revanche, il semble bien que la Terre ait été déséquilibrée voici seulement quelques millénaires, ce qui expliquerait aussi le changement climatique survenu en même temps que le bouleversement. L'enquête de Chaeffé s'étend vers l'Est jusqu'à la Perse. En poursuivant au-delà, nous apprenons que la riche civilisation de l'Hindu, ou civilisation d'Harappa, en Inde, a connu une fin soudaine juste avant l'arrivée des Aryens, au XVe siècle la venue. J'y sais mais on en ignore la cause. Pourtant, les faits rapportés par R. Mortimer Willey donnent à penser que les nombreuses villes fortifiées de la vallée de l'Indus ont été détruites par une catastrophe naturelle. Les Aryens sont arrivés dans son sillage. Une période védique, sombre, a suivi, et, pas à pas, les nouveaux venus ont bâti une nouvelle civilisation sur les cendres de ce monde à jamais disparu. Les époques et les dates il ne faudrait pas interpréter plus qu'il n'en faut le contenu de ce chapitre et des précédents, ils ne cherchent pas à prouver que ces bouleversements à l'échelle mondiale ont été l'apanage du premier et deuxième millénaire, mais constatent qu'ils sont les derniers d'une longue série, dont l'origine se perd dans la nuit des temps. Le sujet de Monde en Collision porte sur deux actes d'une tragédie qui ont affligé l'ensemble de notre planète à une époque relativement récente. Le premier se déroula au milieu du deux millénaires avant notre ère, le second au cours du 8e siècle et vif avenue. J.C. La première catastrophe est survenue à la fin du Moyen Empire d'Égypte. Les dernières heures de cette période sont détaillées dans Aginkao. La seconde, ou plutôt la série de catastrophes suivantes, se situe entre 776 et 687 avenue. J.C., année de la chute de Sennachérib, dernier acte d'un drame qui avait pris les devants. Claude Chaeffé, qui travaillait indépendamment, a conclu qu'à la fin du Moyen Empire un énorme cataclysme a ruiné l'Égypte, avec des séismes qui ont dévasté et décimé les sites peuplés de Palestine, de Syrie, de Chypre, de Mésopotamie, d'Asie mineure, du Caucase et de la Perse 459. Et Sir Arthur Evan avait déjà montré qu'à cette même époque la Crète avait été ravagée. D'autre part le volcan de Terra avait craché des flots de lave, et la civilisation de l'Indus avait tout à coup disparu. Chaeffé a aussi fait état de catastrophes ayant embrasé le Proche et le Moyen-Orient quelques siècles plus tard. Et de son côté Evan s'était rendu compte que les villes de Crète avaient été détruites par de violents séismes ayant clos les périodes minoennes. Les déductions de Chaeffé reposaient sur les résultats de dizaines, si ce n'est de centaines, de fouilles pratiquées à travers l'Orient ancien où les populations ont été décimées, voire anéanties, où le sol a tremblé, où la mer a fait éruption, où le climat a changé. Son constat corrobore on ne peut mieux ce que j'affirme dans Monde en Collision à propos de l'époque et de l'ampleur des catastrophes. Mais nous avons bien d'autres preuves, et cela n'a rien d'étonnant, ces catastrophes ayant eu lieu de toutes parts, leurs effets doivent se rencontrer partout. La fonte du glacier du Rhône a commencé il y a 2400 ans, au milieu du premier millénaire. Ce calcul dû à l'apparent s'accorde avec celui auquel nous sommes parvenus pour dater la dernière catastrophe, 687 avant J.C., elle a provoqué la fonte de nombreux glaciers anciens, et l'évaporation et les précipitations résultantes ont produit d'autres glaciers qui à leur tour se sont mis à fondre, processus qui n'a cessé depuis. Ainsi, bien qu'on ait été surpris de l'apprendre, nombre de glaciers des Alpes ont moins de 4,0 ans, flin. En accord avec la chronologie admise, Schaeff situe la fin du Moyen Empire entre 1750 et 1650 avenue. J.C. Cela ne l'empêche pas d'ajouter, la valeur des dates absolues adoptées par nous dépend bien entendu pour une part, du degré de précision obtenu dans le domaine des recherches sur les documents historiques utilisables pour la chronologie. Stratigraphie comparée, page 566. Dans Agin K.O., je montre pourquoi la fin du Moyen Empire doit être placée vers moins 1500. Les brusques variations climatiques, désastreuses, de Scandinavie découvertes par Cernandez et d'autres scientifiques scandinaves, correspondent presque exactement à nos dates, vers 1500 avenue J.C., et de 800 à 700 avenue J.C. Gaménor d'Agen obtiennent les mêmes dates avec l'analyse des pollens pour les changements non moins désastreux du climat des marais allemands et les troubles tectoniques de l'Europe centrale. Pareil, comme plusieurs auteurs, donnent les mêmes dates, l'une avoisinant le milieu du deuxième millénaire avant notre ère, et l'autre suivant 800 avenue J.C. En ce qui concerne les catastrophes climatiques retracées par les cités lacustres d'Allemagne, de Suisse et d'Italie du Nord. L'étude approfondie de la rivière Niagara par W. A. Johnston a révélé que son lit actuel a été creusé par les chutes il y a moins de 4000 ans. Les relevés et les sondages répétés du delta de la Béarn Rivet effectués par Anson ont attesté qu'il était âgé de 3600 ans, et que par conséquent son origine remonterait au milieu du deuxième millénaire à venue. J.C. Les recherches de Voren Ufam sur le lac Agassiz et l'état de ses roches ont montré que sa formation date de quelques milliers d'années seulement et qu'il n'a pas vécu longtemps. L'étude de Claude Jon sur le Grand Bassin a démontré que les restes de la glacière existent depuis seulement 3500 ans et que la faune de l'âge glaciaire a survécu jusqu'à une date tout aussi récente. Gall a obtenu des résultats comparables avec le lac Owens en Californie et vont loin qu'avec les lacs Aber et Sumé en Oregon. L'analyse au radiocarbone de Libby a constaté que les plantes du Mexique consommées par des espèces animales disparues n'ont vraisemblablement que 3500 ans. Plusieurs scientifiques, hommes de terrain, sont parvenus à la même conclusion, à savoir que la faune du Pléistocène vivait à une époque récente sur de nombreuses parties du continent américain. Le radiocarbone a aussi permis à Suez et Rubin de découvrir que la glace avançait encore il y a 3000 ans dans les montagnes de l'ouest des États-Unis. Le magnétisme de l'argile contenue dans les vases étrusques a montré qu'il y a eu inversion du champ magnétique de la Terre et que celle-ci a traversé de puissants champs magnétiques pendant les temps historiques. Les Utrematheas de fossiles de Vero et de Melbourne, en Floride, avec des objets façonnés et des os humains mêlés à des restes d'espèces animales aujourd'hui disparues, ont prouvé qu'ils s'étaient formés entre il y a 2000 et 4000 ans. Selon Godwin, les deux éruptions de la mer sur les rivages d'Angleterre ont également eu lieu au deuxième et premier millénaire avant notre ère. Comme l'avait constaté Prestwich avant lui, cette éruption a eu un caractère très violent et a touché la centre de la France, la Riviera française, Gibraltar, la Corse, la Sicile et toute la région qui rejoint les pays de l'Orient ancien. Partout on y a trouvé quantité d'os, brisés mais frais, d'espèces animales vivantes et disparues. Les os non fossilisés trouvés dans les cavernes d'Angleterre témoignent aussi d'une étonnante jeunesse. Grâce aux observations de nombreuses plages tout autour du globe, Daly a établi qu'une baisse de niveau océanique d'au moins 5 à 6 mètres s'était produite il y a 3500 ans. Le fait a été confirmé par Cunan et d'autres scientifiques, à l'aide de preuves relevées en Europe. À ces témoignages géologiques, climatologiques, archéologiques datés avec précision, et concordant parfaitement entre eux, nous pouvons en ajouter d'autres, montrant eux aussi le caractère récent des grands bouleversements. En Alaska on a trouvé d'énormes tas d'animaux déchirés, brisés, dont la peau et les os sont en parfait état de fraîcheur. Mais ce sont des espèces éteintes. La chair des mammouths découverts en Sibérie est encore comestible, les os d'hippopotames enchâssés dans les fissures d'Angleterre contiennent encore leur matière organique. Les chaînes de montagnes de Chine et du Tibet, les Andes, les Alpes, les Rocheuses et le Caucase ont atteint leur hauteur actuelle vers la fin du Néolithique, voire pendant l'âge du bronze, et c'est aussi pendant la période post-glaciaire que l'Afrique s'est fracturée le long de la rive Allais. Toutes les régions du monde nous donnent les mêmes datations tardives, mais le plus important à retenir est qu'elles sont confirmées par toutes sortes de calendriers, d'évaluations, de calculs et d'approches. En fait, les chiffres cités dans ces pages proviennent de l'archéologie, de la climatologie, des lits de fossiles, des cascades, des deltas, des marais, des pollens, des cités lacustres, des glaciers, du niveau océanique et de la polarité magnétique terrestre. Tous relatent les mêmes événements, aux mêmes dates.